Question qu'on se pose tous, comment devenir riche? Je vais donner les actions principales à mettre en place pour devenir riche le plus rapidement possible. Action numéro 1, il faut multiplier les actifs. C'est quoi l'actif? C'est quelque chose que tu vas acquérir et qui va te rapporter de l'argent tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, quand tu dors, quand tu pars en vacances, quand tu es avec tes enfants, quand tu vas au cinéma, ça va te rapporter de l'argent tout le temps. Exemple numéro 1, l'immobilier. Tu mets un locataire dans un appartement et ça va te rapporter de l'argent tous les mois, jusqu'au moment où tu décides d'arbitrer, par exemple, pour récupérer une plus-value ou pour récupérer une grosse somme d'argent pour réinvestir dans d'autres actifs. Donc, tu vas accumuler des actifs. Un autre actif, une société que tu vas créer, que tu vas faire monter, c'est un actif énorme parce que ça va te rapporter de l'argent tous les mois. Et derrière, quand tu vas la revendre, tu vas pouvoir gagner un énorme billet parce que tu vas l'avoir valorisé, tu vas l'avoir mise en valeur. Donc, il va falloir que tu multiplies le nombre d'actifs que tu peux mettre en place. On a déjà vu dans une précédente vidéo, ta voiture qui est à la base un passif, tu peux la faire devenir un actif en la mettant en location entre particuliers. Moi, actuellement, ma voiture, elle est louée, elle va me rapporter quelques dizaines d'euros. C'est pas énorme, mais à la fin du mois, c'est 400-500 euros. Bim, c'est une source de revenus supplémentaires. Là, on fait une vidéo et en même temps, je gagne de l'argent avec les placements financiers, avec une voiture qui est en location, avec mes appartements, avec mon entreprise, avec toutes mes sources différentes de revenus. J'ai créé des actifs et ces actifs travaillent pour moi tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand je dors, quand je me brosse les dents, quand je suis aux toilettes, tout le temps. C'est ça le but, c'est créer des actifs qui vont travailler pour toi 24 heures sur 24. Il faut aussi multiplier les sources de revenus. Moi, je ne fais pas le débat du salariat contre l'entrepreneuriat, contre fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît, fais ce qui te fait kiffer dans la vie, ce qui fait que tu vas être heureux, que tu vas pouvoir profiter de ce que tu aimes et de ce que tu aimes faire dans la vie. Après, le reste, c'est toi, tu regardes ce qui te fait le plus kiffer, qu'est-ce qui te permet d'avoir un énorme équilibre. Par contre, ne te mens pas. Quand tu es face à ton miroir, face à toi-même, avec ta page blanche de tes souhaits, de ce que tu veux vraiment faire, ne te mens pas, c'est juste ça. Mais après, fais ce que tu veux, kiffe. Il n'y a pas le salariat contre l'entrepreneuriat, etc. Ce qui est clair, c'est que pour s'enrichir plus rapidement, l'entrepreneuriat, c'est plus efficace. C'est tout. C'est dur de devenir riche en étant salarié, mais c'est possible. Tu en entendras plein qui te diront que c'est pas possible. Pour moi, c'est faux. J'en connais qui sont devenus riches en étant salarié, ça n'a rien à voir. Maintenant, ce n'est pas ce débat que je veux faire. Ce que je veux te dire, c'est qu'il faut multiplier les sources de revenus et te dire que même si c'est 100 euros, même si c'est 200 euros de revenus qui tombent tous les mois en automatique, c'est une nouvelle source de revenus. Ça fait une de 200, une de 300, une de 50, une de 1500, une de 3000, une de 4000. À la fin, le but, c'est d'en avoir le maximum parce que si jamais tu as une source de revenus qui casse, tu sais que tu en as 10 à côté qui peuvent venir t'aider. Effectivement, c'est le souci du salariat, c'est que le jour où tu as un problème d'emploi, si tu n'as rien fait à côté, ok, tu as le chômage, tu as certains trucs, mais malgré tout, tu es en situation très difficile. C'est là qu'on voit les gens, par exemple, peu qualifiés, qui malheureusement des fois arrivent à 50 ans au chômage parce que leur société, leur usine a fermé et que c'est une catastrophe. Et si tu développes au fur et à mesure des sources de revenus complémentaires, ça va devenir en plus, à force de dire que c'est complémentaire, à force d'en avoir, ça va devenir principal. Parce que tu vas en avoir tellement qu'en fait, tu n'en auras pas une. Le but, c'est limite de ne pas en avoir une qui soit plus grosse que les autres, mais d'en avoir 10, 20, 30, 40 qui soient à l'équilibre, qui te rapportent par exemple toutes 500 euros. Là, tu dilues le risque. Moi, j'aime bien te parler de risque, de diluer le risque pour dormir sur tes deux oreilles et être le plus tranquille. Ensuite, on en a parlé un peu tout à l'heure, la troisième chose qui va te permettre de t'enrichir le plus rapidement possible, c'est vrai, c'est l'entrepreneuriat, c'est monter ta société, monter une société, monter un actif puissant qui va, et ça, c'est ça qui va te permettre de décupler tes revenus et de pouvoir passer vraiment à la vitesse supérieure. Dans l'investissement immobilier, pour moi, on est des entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu investis dans l'immobilier, tu dois avoir un mindset d'entrepreneur. Tu dois te dire, tu dois calculer comme un entrepreneur que c'est un business. Je parle souvent du biais émotionnel. Ça, tu le mets de côté parce que dans un business, il n'y a pas d'émotion. Tu dois jouer en ta défaveur, ça doit jouer que en ta faveur, ça doit te permettre d'avoir des choses supplémentaires, de faire jouer l'émotionnel chez celui qui est en face de toi. Mais toi, tu ne dois pas avoir de billets émotionnels qui te font faire des choses qui ne sont plus rentables. Donc, l'investissement immobilier, ça va tout à fait dans le sens de l'entrepreneuriat, puisque pour moi, c'est de l'entrepreneuriat. Il y a Bruno Racco dans son livre qui adore parler de immopreneur et c'est tout à fait vrai. Quand on est investisseur immobilier, on est entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on va faire de l'immobilier. C'est deux mondes qui vont se croiser. L'idéal, c'est de faire les deux, bien évidemment. Monter une société, faire de l'immobilier, Tout ça, ça va te permettre de décupler tes forces et de devenir riche le plus rapidement possible. Bien évidemment, devenir riche est une notion assez vague parce que être riche en France, ce n'est pas le même coup qu'être riche dans un pays asiatique où le niveau de vie est à 1000, où tu es riche, enfin tu gagnes très bien ta vie à 1500 euros, là où à Paris, tu vas gagner bien ta vie. Il faut avoir 3 000-4 000 euros par mois pour commencer à vivre. Voilà, il y a bien évidemment des notions différentes selon où tu es. Et la richesse, surtout, c'est d'être heureux dans la vie, c'est de pouvoir donner les choses que tu veux à ceux qui t'entourent. Perso, par exemple, j'en discutais hier encore avec un membre de la communauté Esprit Gagnant. Perso, je ne suis pas un grand fan de voitures. Donc, j'avoue que ça me fait pas triper les grosses voitures. Par contre, faire une grosse séance de sport, moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait triper. Offrir des super choses à mes enfants, c'est ce qui me procure le plus de bonheur. Les voitures, ça m'a jamais procuré d'émotion, ça ne me procure pas d'émotion. Mais je comprends ceux à qui ça procure de l'émotion. Ce qu'il faut faire, c'est de dire, voilà, moi, ma richesse, c'est quand demain, je vais pouvoir faire ça. Par exemple, je vais pouvoir offrir amener mes enfants en week-end en Floride. En novembre prochain, parce que voilà, je me serais bougé les fesses et j'aurais mis en place des systèmes qui vont travailler pour moi et qui vont me permettre derrière de dégager de l'argent et d'en faire bénéficier ceux que j'aime. Hein, c'est pareil, et je le dis souvent, la richesse, si c'est pour finir avec un corbillard, avec un coffre-fort derrière, ça sert à rien. Il faut kiffer la vie, il faut s'entourer de personnes qui ont des bonnes valeurs et qu'on va aimer, qu'on va chérir, et on met ensemble un système. Et c'est ça la richesse, c'est une richesse financière qui va se mettre avec une richesse, j'ai envie de dire spirituelle limite, mais voilà, d'amitié, de valeur, richesse financière, richesse de valeur. Et là, tu vas être quelqu'un d'épanoui. Je vois plein de personnes là qui m'écrivent et qui cherchent ça, qui se posent les bonnes questions et ils manquent des déclics. Donc si jamais tu fais partie de ces personnes-là, n'hésite pas à me contacter, laisse-moi un commentaire dans la vidéo YouTube ou contacte-moi directement damien@esprit-gagnant.com. N'hésite pas à me contacter sur ma page, sur mon Messenger de ma page Facebook. Enfin, tu as plein de moyens de me contacter. On pourra discuter sur Skype. Pas de souci, je suis aware, je suis disponible pour échanger avec vous, pour vous faire progresser, qu'on progresse tous ensemble. En tout cas, voilà, j'ai rapidement essayé de te donner les actions massives à mettre en place pour devenir riche le plus rapidement possible. 1. Avoir des actifs et les multiplier. 2. Multiplier les sources de revenus différentes. Et 3. Aller quand même vers l'entrepreneuriat par l'investissement immobilier, mais aussi par le fait de créer une société, créer de la valeur pour la société qui nous entoure. Et c'est là qu'on va te le rendre en te donnant beaucoup d'argent. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce. N'hésite pas à la partager à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier, par l'entrepreneuriat, par se constituer un état d'esprit de gagnant. Voilà, moi, ça me permettra de monter dans les moteurs de recherche. Si tu le partages au plus grand nombre, ça me permet de faire connaître Esprit Gagnant. Laisse-moi un commentaire pour me dire, voilà, si toi, pour toi, il y a d'autres sources, d'autres actions à faire, à mettre en place directement pour devenir riche, ou si tu es d'accord avec ce que j'ai mis, ça fait toujours plaisir. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, je te dis, porte-toi bien, passe à l'action, kiffe la vie. Ciao, ciao!